Excellente soirée à toutes et tous, une petite demi-heure, vous retrouvez Nicolas pour l'émission Tribune Province. Quant à la suite de la musique, eh bien c'est avec l'émission Galaxy Live, retrouvez l'ambiance samedi dernier à l'Escape Concept avec Dones en invité. Très bonne soirée, musicalement vous allez pouvoir vous en rendre compte avec la première des quatre parties qui vous sera diffusée, la première ce soir, la deuxième demain et la semaine prochaine, troisième et quatrième et dernière partie. Voici tout de suite Dones au platine de l'Escape Concept. Music remains on top. live. Galaxy Live. We'll be right back. l'ambiance Galaxy Live du week-end dernier. C'était le mix de Dawns enregistré vers les 1h du matin, si j'ai bonne mémoire. En tout cas, c'est la première partie. Il y en a 4 au total. La deuxième, ce sera dès demain à partir de 19h30 dans votre rendez-vous Galaxy Live. Excellente soirée à toutes et tous. D'ici quelques secondes, eh bien, ce sera Nicolas pour l'émission Trip in Progress. Nouvel épisode exclusif avec une petite playlist bien sympa qui est postée sur le forum de la radio. Allez faire un petit tour www.forumgalaxyfm.com pour en savoir davantage, pour consulter et éventuellement, bien sûr, surtout laisser vos feedbacks et vos impressions après le set de ce soir, donc qui va se dérouler jusqu'à 22h. Juste après, ce sera Maxence et nous on se retrouve dès demain soir à partir de 17h. Excellente soirée à toutes et tous. Il est 20h, très précise. Galaxy.